Deuxième livre des Chroniques, chapitre 11. Roboam donc s'en vint à Jérusalem, et assembla la maison de Juda, et celle de Benjamin, qui furent 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre, pour combattre contre Israël, et pour réduire le royaume en sa puissance. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Semaïa, homme de Dieu, en disant, « Parle à Roboam fils de Salomon, roi de Juda, et à tous ceux d'Israël qui sont en Juda, et en Benjamin, en disant, ainsi a dit l'Éternel, vous ne monterez point, et vous ne combattrez point contre vos frères, retournez-vous en chacun en sa maison, car ceci a été fait de par moi, et ils obéirent à la parole de l'Éternel. Et s'en retournèrent sans aller contre Jéroboam. Roboam demeura donc à Jérusalem, et bâtit des villes en Juda pour forteresse. Il bâtit Bethléem, Étham, Tekoa, Beth-sur, Soko, Adulam, Gath, Marza, Ziph, Adorajim, Laki, Azeka, Tsora, Ajalon, et Hébron, qui étaient des villes de forteresses en Juda et en Benjamin. Il fortifia donc ces forteresses, et y mit des gouverneurs, et des provisions de vivres, d'huile, et de vin, et en chaque ville, des boucliers, et des javelines, et il les fortifia bien. Ainsi Juda et Benjamin lui furent soumis. Et les sacrificateurs et les Lévites qui étaient dans tout Israël, se joignirent à lui de toutes leurs contrées. Car les Lévites laissèrent leurs faubourgs et leurs possessions, et vinrent dans la tribu de Juda, et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient rejetés, afin qu'ils ne servissent plus de sacrificateurs à l'Éternel. Car Jéroboam s'était établi des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les démons, et pour les veaux qu'il avait faits. Et après eux ceux d'entre toutes les tribus d'Israël, qui avaient appliqué leur cœur à chercher l'Éternel le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem, pour sacrifier à l'Éternel le Dieu de leur père. Et ils fortifièrent le royaume de Juda, et renforcèrent Roboam fils de Salomon, pendant 3 ans, parce qu'on suivit le train de David et de Salomon pendant 3 ans. Or Roboam prit pour femme Mahalath, fille de Jérimoth, fils de David, et Abihaïl fille d'Éliab, fils d'Isaïe, laquelle lui enfanta ses fils, Jéhu, Semaria, et Zaham. Et après elle il prit Maaca, fille d'Absalom, qui lui enfanta Abija, Attaï, Ziza, et Sélomite. Mais Roboam aima Maaca, fille d'Absalom, plus que toutes ses autres femmes, et que ses concubines, car il avait pris 18 femmes et 60 concubines, dont il eut 28 fils, et 60 filles. Et Roboam établit pour chef Abija, fils de Maaca, afin qu'il fût le chef de ses frères, car son intention était de le faire roi. Et il s'avisa prudemment de disperser tous ses enfants par toutes les contrées de Juda et de Benjamin, savoir par toutes les villes fortes, et leur donna abondamment de quoi vivre, et il demanda pour eux beaucoup de femmes.